Pourquoi fêtons-nous la Saint-Sylvestre ? Il n'existe sans doute pas de festivité ayant un caractère plus universel aujourd'hui que celle qui célèbre le passage à la nouvelle année. Rituellement, le 31 décembre, les chaînes de télévision nous montrent des images de populations en liesse qui s'embrassent chaleureusement en se souhaitant une bonne année. Nous avons pris l'habitude de nommer ces festivités en parlant du réveillon de la Saint-Sylvestre. Il faut pourtant rappeler que ce rituel n'a rien de religieux, puisqu'il célèbre un événement lié à notre calendrier civil. Dans beaucoup de pays, le calendrier civil ne coïncide pas avec le calendrier religieux. L'exemple le plus connu, c'est bien sûr le Nouvel An chinois. Le changement d'année a toujours lieu entre le 21 janvier et le 19 février, mais la date varie d'une année à l'autre, car elle dépend de la deuxième nouvelle lune depuis le solstice d'hiver, quand le soleil se trouve dans le signe du Verseau. En 2022, le Nouvel An chinois débutera le mardi 1er février et durera jusqu'au 15 février. Alors qu'en Chine, cette fête traditionnelle a une histoire vieille de 4000 ans, en Europe, la célébration du Nouvel An, le jour de la Saint-Sylvestre, est beaucoup plus récente. C'est à l'époque de Jules César qu'a été imposé à Rome le nouveau calendrier qui faisait commencer l'année le 1er janvier. Au cours des siècles suivants, l'Église chrétienne a pris le relais en faisant coïncider la célébration du Nouvel An avec celle du prêtre Sylvestre, un pape romain mort le 31 décembre 335 après avoir occupé le Saint-Siège pendant 22 ans. Néanmoins, jusqu'à la fin du Moyen-Âge, des différences notables existaient toujours entre les différentes régions du Royaume de France, car les événements religieux qui étaient privilégiés pour célébrer la nouvelle année n'étaient pas les mêmes partout. La Saint-Sylvestre était parfois délaissée au profit de Noël, quand d'autres préféraient la fête de Pâques. Finalement, c'est l'intervention du pouvoir d'État qui permit d'imposer une date uniforme pour tout le royaume. Le 9 août 1564, le roi Charles IX fit du 1er janvier le point de départ obligatoire de chaque année. Cette mesure fut complétée en 1582 par l'adoption d'un nouveau calendrier qu'on appelle le calendrier grégorien en souvenir du pape Grégoire XIII, calendrier qui est toujours en vigueur aujourd'hui. En octobre 1793, la Convention, voulant marquer une rupture radicale avec l'ordre ancien, imposa un nouveau calendrier. Le 22 septembre 1792, lendemain de la proclamation de l'abolition de la monarchie et de la naissance de la République, fut présenté comme le premier jour de l'ère des Français et donc comme le premier jour de l'an nouveau. Écologistes avant l'heure, les révolutionnaires voulurent aussi se rapprocher de la nature en modifiant le nom des mois pour qu'ils soient en phase avec leur saison. Le 22 septembre 1792 devint ainsi le premier vendémiaire de l'an 1. En 1805, Napoléon Ier, qui rêvait de régner sur toute l'Europe, décida de restaurer l'ancien calendrier pour que la France se remette au diapason du continent. À partir du 1er janvier 1806, le 11 Nivos de l'an 14, le calendrier grégorien remplaça définitivement le calendrier révolutionnaire. Depuis cette date, les Français, même quand ils ont la laïcité chevillée au corps, fêtent avec allégresse la nouvelle année le soir de la Saint-Sylvestre.